Odkrywanie. In life, we are constantly exploring all aspects of reality. Exploring all aspects of reality. Todos los aspectos de la realidad. Yo, I'm from another planet, though currently I'm stranded here, where I see people clearly taking every day for granted, where every time I lift my ship up off the ground, it's landed to my disadvantage, though maybe I am but a gambit and held to another standard. If I'm completely candid, I fell in love with the language like a hopeless romantic. I display the dynamics at play and pray it's organic. This has been my reality, maybe I'm schizophrenic, maybe I'm just a candidate having this chip implanted. Maybe this is a fantasy, maybe I'm disenchanted. What if they just abandoned me? Maybe it's how they planned it. Crazy, there's still a scar on my shoulder where I was branded. The protocol is overhaul. I am not a know-it-all, but I need more than motor oil. Signage on a broken door says sayonara or a war. I'm already spoken for, focusing on finally doing something on my own accord. They must be blind as fortune to make such major orphans and get just a minor portion, then die. One of the corpses inside a designer coffin we find on Philly's north side and Susquehanna Dolphin. Sometimes they try to soften the blow, but it's not as often as life I have you starving and suffering from heat exhaustion. Upon the line I teeter, it's harder for me to cross it unless the universe take a hold of my hand and force it. The protocol is overhaul. Show me what you zoning on. How you gonna get in touch with your spirit when this phone is off? How they back you into a corner, then hold that over y'all, then expect me to show this love that wasn't shown to y'all. Signage on the closing door said this ain't even home to y'all. Now I see that more and more, so sayonara, au revoir. Just get me to that pyramid, my flying saucer floated towards. I'm laser focusing on doing something on my own accord. Les portes de notre bon vieux club s'ouvrent presque sans nous. On se croirait sur un cimetière indien, un peu comme dans un roman de Stephen King. C'est ça les lieux anciens, avec les âmes chargées. Et après Arlo Parks en power play cette semaine, et à l'instant le Big Bang Soul est très cinématographique de El Michel, sa affaire, on file, où ça donc? En Pologne. C'est Mister Polska. Et en bon surfeur de métro. Ja biegam po mieście jak subway surfer. Ona nas na pie pyta, czy ja do niej zerknę. Znów biegam po mieście jak subway surfer. Ona nas na pie pyta, czy ja do niej zerknę. Piłem whisky sour, skupiłem się w mieście. Tańczyłem za gatą, znów dała mi dreszcze. Ziomek przywiózł się z Holandii, było śmieszne. Telefon mi czego wciąż się starasz i udajesz, że mnie nie chcesz. Sprawdzasz moje storki, przecież widzę kto tam jest. Wiem, że w samochodzie śpiewasz jak lecę na SC. Więc przestań już gwiazdorzyć i ustawmy się na SE. Wiem, że lubią gadać, więc podejdź tu do mnie sama, ej. Wpadnij i zaśpiewam bez playbacku ci do rana, ej. Na snapie koleżanko możesz dziś wszystko pokazać. Chciała przyjść do mnie, bo u niej niby jest bałagan. Piłem whisky sour, skupiłem się w mieście. Tańczyłem za gatą, znów dała mi dreszcze. Ziomek przywiózł się z Holandii, było śmieszne. Telefon telefon mi zaraz padnie, bo mam kreskę. Tak, tak szybko dzisiaj płynie czas, czas. Kolejny shot ląduje na stół, stół. Coraz bardziej myślę o niej, niej. Bo jest zjawiskowa tak jak Louvre, Louvre. Zbyt pijany, by wsiąść na hulajnogę. Odwierzy ziomal, co ma za ciężką nogę. Czerwona Mazda to nie jest czarne Porsche. Wracam do nieba, bo chyba mam po drodze. Po drodze. Ja biegam po mieście jak Subway Surfer. Ona na snapie pyta, czy ja do niej zerknę. Znów, znów biegam po mieście jak Subway Surfer. Ona na snapie pyta, czy ja do niej zerknę. Piłem whisky sour, skupiłem się w mieście. Tańczyłem za gatą, znów dała mi dreszcze. Ziomek przywiózł z Holandii, było śmieszne. Telefon mi zaraz padnie, bo mam kreskę. Piłem whisky sour, skupiłem się w mieście. Et si on redécouvrait les sons des années 2010? C'est encore une période un peu en angle mort, mais tout un tas de merveilles palpitent dans nos oreilles. C'est comme Santigold. Santigold que l'on prend un malin plaisir à programmer régulièrement sur nos vieilles platines de la nuit des temps. Et oui, nous sommes à Philadelphie. Cette ville qui a tant contribué à fabriquer des sons pour la dance dans les années 70. Mais là, nous sommes en 2012. Disparate Youth. Yeah. La nuit des temps, Radio Duo. C'est la date à laquelle le célèbre bluesman B.B. King saute le pas en signant sur le label Atlantic Records. Et la même année, sur son album Supernatural Thing, il croise la compositrice Betty Crutcher qui lui offre sur un plateau cet hymne absolument génial, Happiness is where you find it. Et c'est un chef-d'œuvre de la soul. Sonnez les cuivres, sonnez les basses démoniaques. Tremblez, les gardiens de la galaxie, B.B. King. Some folks would say it's intangible, but material things don't endure. No, no, I've got my heart set on love. I know it will last for sure. I'm not trying to change the way you live. Can't you see? Thank you. demi-tour. Demi-tour, Dorian Concept. Angels from heaven expressing a place for the heart to find. I think the voice has a lot to do with your spirit. If your spirit feels right, then the voice will stay pretty consistently the same from the point of, you know, maturity. On règle les coordonnées sur Londres. La Nigériane, tchadienne et française Arlo Parks est notre power play de la semaine. Whiteless. La nuit des temps, l'international de la danse. et dans le désordre, Jimi Hendrix, Fela Kuti, Allen Ginsberg, Kendrick Lamar, Chet Baker, Jordan Raquet, Chil Parry, David Bowie, et même le mélancolique Sufjan Stevens. Alors dans la nuit des temps, on suit Arlo sur l'autoroute qui conduit directement vers le New Jersey pour plonger vers les grands espaces de Flamingosis. Autobahn, comme les Kraftwerk. La nuit des temps, Radio Duo. We got the jazz, we got the jazz, we got the jazz. We got the jazz, but no chips, just project housing, concrete valley pits, all bodies, power, and our ability to shape shift from all to the all. Remind me of my old shit, man, I order. From the top rope, Jimmy Fly Slaughter. He a dead clock, lost in time, lost his mind. Got it back onto the dice game. He was mom's favorite swinging, till he heard the voice of Billie Holiday singing. Haunting, swing low, sweet chariot, strings true. And this is right after he was winning, right after the barrel stopped spinning. He was ducking nooses just to get in position. My rage still pissing all weather. Bland ass jazz, now I want none of they chicken. I'd rather starve, holes in my leather. Rubber bands holding my socks together. My rainy singing black dust blues. This can't be forever. This a hell we ain't never seen or smelt before. Rubber and roll, paper pay-per-view cage match. I might gon' lose their head, lose their bread, betting after them. They don't know who the winning team, American dream, dream team. But we ain't winning no medals, and we ain't about to settle. And we ain't about to stand for no national anthem. I don't give a fuck what they trying to say. I don't care if Francis Scott King or Eric Clapton or Elton John wrote that shit. I'm back in this bitch. This is jazz, man. When we was swinging, they couldn't even stand at attention. I don't care who wrote that shit. We in the kitchen cooking for the church grandmother tradition. See, he was hard bop, but now he Brian ain't no silence. He was lost in the nonsense. He ain't want no smoke, no vines. Soaking wet, but I will never forget what they say. Il a passé sa vie à chercher le rythme parfait. Ça, c'est l'histoire du producteur Arthur Baker. C'est un DJ né à Boston, mais qui a éclaté dans le New York des années 80. Le son d'Africa Bambaataa, c'est lui. New Order, c'est aussi lui. Arthur Baker a été un très mauvais DJ, mais pour assouvir sa passion, il a surtout été l'un des premiers à passer du mix à la production. Il a tout simplement ouvert la voie au DJ en faisant ses propres disques. Arthur Baker allait dans un club et le lendemain, il mixait, puis pressait un vinyle pour le refourguer le soir même au club. Mais oui, nous sommes au loft, nous sommes au garage, ou nous sommes au Fun House à New York. Nous sommes en 1984, Arthur Baker produit Breakers Revenge. La nuit des temps, l'international de la danse. née en Arizona. Elle a commencé à sortir et à jouer de la musique à San Francisco. Elle est codeuse en informatique, mais découvre que la vie de DJ, c'est quand même bien plus excitant. Alors elle déménage à Berlin, elle devient une habituée du Berghain et, en mixant avec ses petits pulls rayés, elle devient une vraie star là-bas. En 2016, elle sort l'un des 10 meilleurs morceaux de la décennie d'après le classement de Resident Advisor. Voici Avalon Emerson. Nous sommes en 2023 et depuis le Covid, elle a même appris à faire des chansons. Tant mieux. On adore son petit rythme. Sautillant. Hot, hot, hot. Evening. Here I am. Where the clouds just make my head ache. Worst California pilled. Back there at least those wastelands flower when they're not on fire. Here I'm always running to find some quiet. À l'envers, je bois des verres. C'est la classe, mais un max colle par terre. Petite des pierres, des paillettes sur mes paupières. Vroom, vroom, vroom, vroom, dans ma poussée. Pas de touche, minouche. Ce soir, c'est soirée mousse. Pas de touche, minouche. J'suis pas là pour me faire cartouche. Pas de touche, minouche. Pourquoi t'ouvres ta bouche? Pas de touche, minouche. Tu te finiras sous la douche. Couleur fluo, baby doll. Young Tat, t'avais combien de robes? J'suis sortie en nuisette. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'prends le contrôle des platines. Ouais, ouais, ouais, ouais. Que du rap entre frangines. J'ai frétti sur la piste. DJ, tu sauves ma vie. Cœur, cœur, fais un vœu. Okay. C'est juste pour tes beaux yeux. Trop chaud. Amour, gloire et magie. Vroom, vroom, vroom, vroom dans ma poussée. Pas de touche, minouche. Ce soir, c'est soirée mousse. Pas de touche, minouche. L'éternité, l'éternité avec Bibio et ce son sublime pour refermer les portes de notre bon vieux club. Voici Girls. Et nous sommes en 2019. Upon. It's the path that makes. There's a clue to where the song. C'est l'heure de filer sur la plage. Il fait nuit. le feu de bois crépite et le sable caresse nos pieds. Alors, qu'avons-nous entendu sur la piste de danse ce soir et qui résonne encore au loin, le club qui fait boum boum boum boum boum boum boum boum boum. Nous avons dansé avec Arlo Parks, qui était notre power play de la semaine. Il y avait aussi El Michel Safer et son beat cinématographique. Mr. Polska pour son Subway Surfer. Santi Gold qui revient dans les émissions comme une vague éternelle. Benny King, super fier d'avoir signé chez Atlantic. Les Flamingosis sur l'autoroute. Arthur Baker pour le break. Pregoline et sa combustion. Il y avait aussi Avalon Emerson pour Berlin. Patouche Minouche de King Doudou et Yanko. Et Bibio pour le beau et pour la rime. Stan Getz aussi pour se dire au revoir et regarder le ciel de Saint-Étienne qui n'attend qu'une chose, ouvrir l'infiniment grand de Comme à la radio Dio. C'est l'une des émissions les plus dingues qui existent, avec ses mix en direct, ses machines qui tournent, ses bidouillages qui valent trip et son petit verre de rhum qui va si bien avec la plage. Le temps d'arriver, le temps de tout installer et de brancher, bah nous on va continuer à se promener quelques minutes sur quelques bonus qui vont vous conduire vers les portes de l'infini et au-delà. C'était la nuit des temps, ce club oublié dans les failles spatio-temporelles des ondes et de la musique. On regarde les étoiles. Restez bien sur Dio. Comme à la radio Dio, buona notte, salut. Il est 22h02. I need you. Thank you.